l'instant cam sur Fadjet, anecdote sur Nancy et ses alentours. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour aller nous balader en vieille ville et s'arrêter Grande Rue pour admirer le palais ducal, datant du XVIe siècle. Bâti à l'emplacement d'un ancien château médiéval du XIVe, dont nous savons peu de choses aujourd'hui. Ce palais fut la résidence des ducs de Lorraine, délaissé au XVIIIe par Léopold, qui préférait Lunéville, et devient le musée Lorrain, musée historique de la ville, en 1848. L'architecture est de style gothique flamboyant, mélangé au style Renaissance. Nous pouvons d'ailleurs observer la porterie, construite en 1511 et 1512, inspirée de celle du château de Blois. Sur la porterie, il y a une statue équestre du duc Antoine de Lorraine, réalisée par Mansuy Gauvin, détruite sous la Révolution en 1792 et remplacée par une œuvre de Jean Viard en 1851. La signature est sur le socle. À côté du palais se trouve le couvent des Cordeliers, dont l'église a été construite après la bataille de Nancy de 1477, consacrée en 1487, et devient la sépulture des ducs de Lorraine, dont le premier à y être inhumé est René II, surnommé la Saint-Denis-Lorraine en référence à la cathédrale où étaient inhumés les rois et reines de France. Pillés à la Révolution française, il nous reste très peu de choses aujourd'hui. Les moines venaient observer les sculpteurs œuvrant sur la porterie. Si on le regarde bien, au-dessus de la porte de côté, dite porte Mascot, nom d'un ours apprivoisé qui était installé là au XVIIe siècle, se trouve une sculpture représentant un singe vêtu d'habits de moine. Selon la légende, un moine de l'ordre des Cordeliers aurait critiqué cette porte qu'il trouvait trop moderne. Époque entre le Moyen-Âge et la Renaissance, donc hors tradition. Le sculpteur Mansuy Gauvin aurait donc affublé un singe d'un habit de moine avec une Bible. Selon l'historien Pfister, c'était un motif décoratif courant à l'époque, issu du Moyen-Âge, où on n'hésitait pas à montrer des religieux dans des postures grotesques. En tout cas, cette moquerie à l'égard de la religion aurait valu à la statue d'être épargnée pendant la Révolution. N'hésitez pas à lever les yeux quand vous baladerez Grande Rue. Retrouvez mes chroniques L'Instant Cam sur fadjet.net, ainsi que sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube.